Bonjour, c'est Lucie Inland. Bienvenue dans la deuxième saison du podcast Dangereuse Lectrice, qui coïncide avec la deuxième édition du Festival Rennais du même nom. Après la sorcellerie, c'est à la bouffe que nous allons nous attaquer, toujours sous le prisme féministe, souvent avec la littérature, avec les femmes que j'ai invitées à mon micro. C'est Anouk Méléard-Soler qui inaugure cette série d'interviews. Elle est chef au Café Albertine et co-initiatrice du Refugee Food Festival à Rennes. Nous avons parlé cuisine, sexisme, accueil et éducation, à la terrasse du Café Albertine, donc, avant le festival. Bonne écoute. Bonjour Anouk, est-ce que tu pourrais te présenter ton activité actuelle au sein du Café Albertine et le Refugee Food Festival, ton parcours ? Bonjour, je m'appelle Anouk, j'ai 33 ans, j'habite à Rennes depuis maintenant plusieurs années. Je travaille au Café Albertine depuis 2 ans et demi maintenant et j'ai participé à l'organisation du premier Refugee Food Festival à Rennes l'an dernier. Et donc, je co-organise également celui qui se tiendra au mois d'octobre avec mon amie Hélène Ingan, qui est rennaise elle aussi. Mon parcours, il est celui maintenant assez classique d'une reconversion professionnelle. J'ai fait un lycée général, littéraire, un parcours scolaire assez bon, mais classique. J'avais très tôt envie de m'orienter vers la cuisine, mais compte tenu de ce parcours scolaire plutôt positif, on m'a rapidement dit qu'il serait préférable que je conserve une voie générale, ce que j'ai donc fait. J'ai ensuite poursuivi des études de philosophie. Et puis, parallèlement à ça, je faisais pas mal de théâtre, de danse, etc. En ayant une réelle passion pour ces domaines-là, mais tout en sachant que je n'en ferais jamais mon métier. Ça m'a passionnée, j'ai adoré ça, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui sont toujours mes amis les plus proches aujourd'hui. Donc, c'était vraiment une expérience formidable. Mais par contre, j'ai toujours su que j'allais faire une licence, un master tout au plus, mais que ça s'arrêterait là après, que je n'avais pas envie de poursuivre. À la suite donc, de ces études-là, ça a été un petit peu compliqué parce que j'étais un peu perdue du coup. J'avais trouvé un travail correct, mais qui ne me plaisait pas vraiment. Et puis je me suis vite dit, au bout de quelques mois, qu'il fallait que je prenne du recul et que je réfléchisse un peu à mes réelles envies. Et donc c'est la cuisine en fait, qui est revenue à ce moment-là. J'habitais à Brest à l'époque, donc j'avais suffisamment de solitude pour réfléchir. Du coup, j'ai trouvé une formation en fait en apprentissage parce que j'étais autonome, donc il fallait que je gagne quand même un peu de sous. Je suis partie faire un apprentissage dans un restaurant assez terroir, mais une cuisine de produits frais avec beaucoup de bonnes bases à apprendre. Donc c'était à Audierne. Puis ma première année de cuisine, j'étais en apprentissage à Vannes et ensuite j'ai étudié la pâtisserie parce que je voulais vraiment avoir ce bagage là aussi, puis ça m'intéressait beaucoup et je ne savais vraiment pas grand chose. Donc là, je suis partie chez Olivier Belin à l'Auberge des Glaziques dans le Finistère aussi, Plume Audierne, et où j'ai travaillé d'abord en tant qu'apprentie, puis où je suis restée ensuite travailler. Après cette expérience-là, je suis partie vivre et travailler en Australie parce que c'était un projet que j'avais de voyage à l'étranger un peu longue durée, quoi. Et où là, j'ai eu une expérience plutôt en coffee shop, salon de thé, très anglo-saxon. Là, c'était le début de la grosse scène autour du café et qui était déjà très active à Melbourne, en fait, à cette époque-là. J'ai vécu à Melbourne. Après, j'ai voyagé un peu autour, quoi, en Australie, quoi. Mais je vivais à Saint-Kilda, à Melbourne, et c'était génial. C'était magnifique. Et là, j'ai appris beaucoup de choses sur la cuisine à un autre niveau et d'autres connaissances, des choses que j'avais jamais faites avant. Vraiment découvert la street food là-bas, en fait. En France, on n'en entendait pas tant parler à ce moment-là non plus. Sauf à Paris, mais ouais. Même pas. C'était presque un peu mal vu en fait. La street food pour nous à ce moment-là, c'était peut-être le kebab et la sandwicherie du coin, et c'était souvent très mal perçu. Et en fait, moi j'ai bossé du coup à Melbourne avec des gens pour qui c'était la culture. On rentre aussi un très bon ami là-bas avec qui j'ai travaillé, qui lui est un cuisinier, un chef anglais, et qui avait vraiment cette culture street et de cuisine internationale, de fusion et tout, que j'ai vraiment découvert là-bas. et qui m'a vachement passionnée, vachement touchée. Je m'étais rendu compte en étoilée que j'aimais le savoir-faire, j'aimais la technique de, enfin voilà, des techniques de base quand même, des bons savoir-faire. Mais l'ambiance de ces endroits-là ne me correspondait pas du tout, qui véhiculait pour moi des valeurs qui me correspondaient pas en fait. Et j'étais très contente d'y avoir travaillé. J'ai appris plein de choses. J'ai aussi rencontré des gens super. Enfin, c'était vraiment une bonne expérience. Mais je savais au fond de moi-même que j'avais pas vocation moi à m'épanouir dans ces lieux-là. Là, ces rencontres que j'ai faites en Australie, humaines et de cuisine. Et puis voilà, toute la manière dont tu es un peu fondé la communauté là-bas, où il y a vraiment des gens de beaucoup de nationalités différentes. Alors après, on peut y redire plein de choses aussi, mais en tout cas, moi, tel que je l'ai vécu, c'est, les gens savaient vivre ensemble, et surtout, il y avait vraiment une belle affirmation, une belle représentation des cuisines de chaque pays. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de cuisines des différents pays d'Asie, beaucoup de cuisines d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. Enfin, c'était assez cosmopolite, et moi, j'ai vraiment découvert plein de choses, gustativement parlant, là-bas, quoi. Du coup, j'ai apporté des choses et j'ai ramené aussi beaucoup avec moi, quoi, quand je suis repartie et que je suis rentrée à Rennes. Je suis restée un an, j'avais un visa vacances-travail, et puis j'avais l'opportunité de rester, puis bon, j'avais un peu des circonstances familiales à cette époque-là qui m'ont fait revenir, quoi, et avec une pointe de déception, le retour avait été difficile. Bon, après, j'ai retrouvé des gens à Rennes et j'ai retravaillé. Ça a été dur aussi au début de retrouver un endroit presque que j'avais vécu où je me sentais à ma place. Mais bon, j'ai évolué, j'ai bossé dans un resto un peu gastro et ça m'a bien replu. Et puis, rencontrer un chef qui m'a appris beaucoup de choses. Qui s'appelle Eric Bouchy, et puis ensuite voilà, j'ai évolué plutôt vers du traiteur auprès de la Biocoop, et ensuite je suis arrivée au Café Albertine où j'avais besoin de retrouver, je venais d'avoir un bébé et tout, et j'avais besoin de retrouver une qualité humaine. Bah, cette ambiance un peu coffee shop et tout qui m'avait tant plu, une douceur en tout cas dans le quotidien que je recherchais à ce moment-là. Et... Oui, en plus c'est ouvert qu'en journée, c'est pas ouvert voilà. En soirée, ouais. Donc j'imagine qu'une fois que t'as un bébé, t'as envie d'avoir des horaires plus faciles. Ben, après, à terme, pas nécessairement. Mais en tout cas, moi, à ce moment-là, c'était ce dont j'avais besoin. C'était vraiment ça, en fait. J'avais besoin aussi, je pense, de nourrir d'autres projets à côté. Le Refugee Food Festival est notamment arrivé, au bout de quelques mois après ça. Enfin, j'ai pas une super mémoire des années et des dates, mais... Ça va vite. Voilà. J'ai l'impression que t'as vraiment beaucoup travaillé, en fait. Tu t'es jamais arrêtée. Du moment où j'ai commencé en cuisine, en fait, comme j'ai commencé plus tard, à cette époque-là, les reconversions, en fait, je dis ça, du coup, c'était il y a quoi, 8-10 ans. En fait, ça a démarré. C'était le moment où il y a eu pas mal de Masterchef, Top Chef, tout qui commençait. En fait, à ce moment-là, c'était on commence à admirer la cuisine, on commence à avoir des étoiles dans les yeux quand on regarde des émissions de cuisine. C'est sorti du côté vieille émission, Bon Appétit bien sûr, et Maïté et compagnie. Mais par contre, on n'en ferait pas son métier, quoi. Et c'est vrai que moi, au moment où j'ai fait ce passage, cette reconversion, c'était encore assez neuf. Et pour moi, en fait, dans ma tête, c'était que oh là là, j'avais pas commencé à 15 ans, donc j'avais en fait 10 ans de retard sur les autres, donc j'avais intérêt à carburer, quoi. Donc j'ai bossé, quoi. J'ai bossé comme une dingue, quoi. Et j'ai fait, des heures. Puis surtout, j'avais envie de voir différents endroits, parce que bizarrement, j'avais un énorme attrait pour la nourriture et pour le fait de fabriquer à manger et de nourrir. J'avais eu des très bonnes expériences de goût, parce que je viens d'une famille dans laquelle on mange bien. J'ai passé énormément de temps avec mes grands-parents toute ma jeunesse, quoi. Et ça cuisine très bien. Vraiment un amour du bon produit et des bonnes nourritures et des bons vins et tout ça. Et du coup, j'ai eu accès en fait à ce plaisir de la table très jeune, quoi. Et j'ai eu la chance d'aller dans des bons restaurants aussi assez jeunes qui m'ont quand même forgé, je pense, une culture un peu du goût, etc. Mais autrement, j'avais pas non plus une grosse connaissance de la cuisine. Ma mère ne cuisinait pas spécialement. Donc j'avais vraiment pour moi du retard en fait. Mais enfin moi je suis rentrée en école de cuisine, j'avais jamais monté une mayonnaise, quoi. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Ça me fait très peur, mais en même temps j'ai très envie d'apprendre. Mais voilà, c'était... Et puis bon, en fait... J'étais très impressionnée par tout, mais du coup, j'ai énormément travaillé, en fait, pour essayer d'équilibrer ça. Mais je sais que je suis toujours un petit peu comme ça. J'ai toujours un quelque chose où j'ai besoin de bosser et de me renseigner et tout, parce que j'ai toujours l'impression de ne pas vraiment savoir. Il y a toujours des gens qui en sauront plus, évidemment. Enfin, on ne fait pas un concours, mais c'est vrai que bon, tu as envie de bien faire, tu as envie de proposer des choses intéressantes et justes et tout. Et moi, je sais que je suis partie avec quelques wagons de retard à la base et que du coup, j'ai beaucoup travaillé pour rattraper ça. De toute façon, avec tout ce qui existe en plus, avec tout ce que tu as pu voir aussi, je pense que ça doit être vertigineux à chaque fois. Tu dis, ouais. C'est ça. Le fait d'avoir commencé plus tard, comme tu disais, tu penses que c'était un avantage ? Je pense, ouais, psychologiquement, mentalement, ça m'a permis de démarrer avec quand même de la maturité, parce qu'il ne faut pas se mentir. Enfin, en fait, moi, j'avais déjà travaillé en cuisine avant de commencer l'école. J'ai donc commencé à travailler très tôt, n'est-ce pas ? Parce que quand j'étais au lycée, en fait, les vacances, à ce moment-là, j'ai travaillé dans les cuisines d'un restaurant, d'une brasserie à Lorient. Pas fou, mais quand même bien noté, quoi. Et du coup, j'ai rentré là-bas pour l'été. Et moi, je savais très bien que je ne voulais pas aller en salle. J'ai postulé en cuisine, mais tout en n'ayant aucune expérience. Tu savais que la salle, c'était pas pour toi. Ouais, alors après, maintenant, ma position, elle a un peu évolué par rapport à ça. Mais à ce moment-là, c'est vrai que je voulais venir en cuisine. Et il n'y avait pas une vocation professionnelle parce qu'on me l'avait un petit peu empêché à ce moment-là. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on va faire quand même un peu, quoi. Et puis, donc j'ai bossé pendant les étés, les vacances, les festivals interceltiques, tous ces trucs-là. Donc c'est pareil, des heures dans les cuisines. Mais du coup, à apprendre, alors là, vraiment, l'organisation d'une cuisine, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que le milieu de la cuisine, etc. Et là, pareil, des trucs super, mais aussi des trucs où, quand j'ai vraiment commencé, j'étais contente d'avoir de la maturité pour pouvoir appréhender ça. Et puis, je pense que j'avais mine de rien appris un peu à réfléchir, appris un peu à structurer ma pensée aussi, quelque part. Et je trouve qu'ensuite, pour se forger une culture culinaire, ça m'a aidé, je pense. Ça m'a aidé, j'ai eu moins peur d'aller chercher dans les bouquins, j'ai eu moins peur d'aller essayer de réfléchir à ce que représentait la cuisine pour moi, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc ça m'a permis, je pense, d'avancer là-dessus dans de meilleures conditions, quoi. Alors, moi, poser les limites, pas forcément au départ, parce que j'avais un peu du mal à voir où étaient les limites en général. Parce qu'on te les donne pas. Ouais, on n'en donne pas, on n'en met pas. Et du coup, pour moi, le cadre a longtemps, pendant en tout cas le début, ça m'a paru assez long parce que ça me paraissait flou en fait. Ça ne l'est plus flou pour moi, mais je trouve que ça reste très flou en général. Et que ça va être quelque chose, je pense, sur lequel il va falloir travailler en général dans le milieu de la cuisine et de l'accueil, de la restauration, pour faire évoluer certaines pratiques, quoi. Ça me permettait plus d'avoir du recul sur ces situations-là et de moins être affectée peut-être par ce qui pouvait se passer. Oui, quand on a 15 ans, quand on en a 25, on ne vit plus les choses de la même façon. C'est clair. On sait ce qu'on est capable de donner. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée dans des restaurants, on m'a dit, je vais cacher le truc, on ne payera pas les heures supplémentaires. Ah oui, Donc soit tu l'acceptes, soit tu ne viens pas travailler là. Bon, pour moi, je le savais, je m'en doutais en fait. Et j'étais là, ok. Ça, c'est une limite que j'accepterais pas autrement, par exemple. Mais là, dans ces conditions-là, moi, je veux bosser à fond, je veux apprendre plein de trucs et rapidement et bien. Du coup, j'ai dit, ok, en fait. Et du coup, j'avais été capable d'exprimer à ce moment-là, je ne serais pas d'accord en général, parce que c'est pas comme ça que j'envisage le travail. En revanche, moi, dans ma situation, là, je veux travailler chez vous, je veux apprendre vite, je veux apprendre bien. Donc, ok, en fait. Voilà, je savais que c'était pas bien. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que, pour le coup, je combattrais assez vivement. On ne peut pas continuer ces pratiques-là. C'est injuste. Et justement, ça empêche de créer des limites entre ce qu'est le travail, ce qu'est la sphère intime, qu'est-ce qu'on donne et à quel endroit on le donne et quelle énergie on met à quels endroits de sa vie. Et ça crée énormément de confusion. Et aujourd'hui, les phénomènes de burn-out et tout, c'est pas juste les cadres dans les bureaux qui font des burn-out. Le nombre de cuisiniers que j'entends autour de moi, des gens qui ont fait des burn-out, en fait, c'est pas étonnant. en fait, que tout ça se produise. Et il va vraiment falloir faire évoluer ça, quoi. Enfin, je digresse un peu, mais je trouve qu'en fait, cet environnement de travail-là, ces conditions de travail-là, ça encourage dans le monde traditionnel, parce que bien sûr aujourd'hui il y a plein de choses qui se font d'une meilleure manière, mais traditionnellement en cuisine il y a quand même une grosse culture de la domination et de la soumission, je trouve. Ah bah c'est une brigade. Voilà. T'as un chef et t'as des troufions, quoi. Voilà. Et même en fait brigade, intermétier, il y a vraiment des dominants et des dominés. Et ça, à la base, pendant longtemps, les pâtissiers, c'était très mal considéré. Il y a longtemps, c'est valorisé depuis ces dernières années, en fait, parce qu'il y a eu des chefs pâtissiers et pâtissières qui ont beaucoup travaillé, en fait, pour valoriser la pâtisserie et créer de nouvelles choses en pâtisserie aussi. Créer de la pâtisserie beaucoup plus saisonnière, beaucoup plus respectueuse des produits, etc. Tout ça est allé un petit peu de pair, en fait. Mais anciennement, le métier de pâtissier était extrêmement mal considéré. Et aujourd'hui encore, aujourd'hui, en tout cas moi à l'époque, quand j'ai fait mes études, il y avait des décalages entre les étudiants en cuisine, en pâtisserie. Il y avait encore des cultures, des vieilleries comme ça qui traînaient, quoi. Et j'ai été très surprise de découvrir que c'était pas le cas et que longtemps la pâtisserie était un petit peu restée à la traîne en termes d'innovation, mais en fait c'est parce qu'on laissait pas de place pour l'expression des pâtissiers, des pâtissières, et que t'es hyper opprimé en fait parmi les corps de métier de bouche, quoi. T'es là pour finir le repas, quoi. Voilà. Mais tu fais pas le repas. Alors que aujourd'hui, on sait bien que non, et que évidemment que ce sont des choses incroyables aussi. Le dessert, c'est une partie intégrante d'un menu. Et aujourd'hui, on se pose plus ces questions-là. Ça paraît aller de soi. Mais en fait, il y a pas si longtemps, c'était pas le cas, et il faut le souligner parce que je pense que c'est un acquis qui est assez récent finalement. Hein. Ça a quelques dizaines d'années, quoi. C'est pas bien vieux, quoi. Et qu'est-ce qui a joué pour selon toi pour que ça change? Je pense que c'est l'essor de la cuisine a permis aussi l'essor de la pâtisserie. Et en fait, c'est la pâtisserie de restaurant, pour moi, qui a redoré le blason aussi de la pâtisserie en général. Après, il y a eu aussi les pâtissiers, les Pierre Hermé, etc., qui ont aussi beaucoup fait en amont. Donc depuis, on va dire, le nôtre, je pense, qui ont aussi beaucoup travaillé pour réajuster ça. Et je pense que ces dernières années, avec l'essor de la cuisine et la valorisation de ce métier-là, est venue aussi la valorisation de la pâtisserie, du dessert en restaurant, etc. Et à refaire chez soi, parce que par exemple, je pense que ce qui a joué avec l'exemple de Pierre Hermé, c'est qu'il y a le côté Elux et je publie mes recettes pour que vous les refassiez à la maison. Voilà. Et je pense que ça permet aussi de désacraliser, parce que la cuisine et la pâtisserie, c'est comme le vin d'ailleurs, c'est des milieux hyper impressionnants. Quand on n'est pas né dedans, qu'on n'a pas été formé, ça a l'air atrocement compliqué. Il y a un côté patrimonial qui est extrêmement fort. Enfin, t'as l'impression que d'insulter le drapeau si tu foires quelque chose. Ouais. Encore une fois, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'oppression, quoi, et beaucoup de jugement, en fait. Côté un peu, si tu rates ça, t'es vraiment nul, quoi. Et ta valeur n'existe plus en tant que personne, quoi. Enfin, il y a des trucs vraiment assez durs. Enfin, moi, je trouve que les gens, traditionnellement, quand même, étaient assez durs les uns envers les autres, quoi. Ça faisait pas de cadeaux, quoi. Ça rendait tous ces métiers, ces corps de métiers, un peu inaccessibles. Alors que finalement, ça fait partie du quotidien de plein de gens, d'aller au restaurant, etc. Mais pendant longtemps, les cuisines ont été fermées, en fait. Aujourd'hui, on a des cuisines ouvertes, mais pendant longtemps, les cuisines étaient fermées. Mais voilà. C'est un monde à part, quoi. Et ce monde-là avait ses propres lois, quoi. Et les a toujours aussi, au niveau de plein d'abus, quoi, au niveau de plein de conduites. Comme si, une fois qu'on était rentré dans la cuisine, on était dans une dimension parallèle où les lois ne sont plus les mêmes et où le droit n'est plus le même, que ce soit au niveau du travail, au niveau du respect des personnes. Puis, c'est même pas une équipe, c'est vraiment une brigade. Moi, la notion d'équipe, finalement, je l'ai découverte quand même parce que j'ai travaillé dans des établissements où ça se passait bien, quoi. Mais on enseigne quand même la notion de brigade énormément, quoi. Et une brigade, c'est pas une équipe. Une brigade, c'est pas du tout une équipe, quoi. Et ça, c'est assez dangereux, en fait. Parce que si le chef de la brigade est un dictateur, eh bien, ça devient une zone de non-droit, en fait, la cuisine. Et en fait, il faut être hyper vigilant à ça. Et oui, quand on rentre là-dedans, qu'on a déjà un petit peu pas roulé sa bosse, mais bon, qu'on n'a pas 15 ans, bon, on peut se protéger un peu plus. Mais pour les personnes qui rentrent, qui sont encore adolescentes, ça peut être très destructeur au sens où ça demande tout de suite de se forger une carapace, d'être dur, en fait. Alors que finalement, tout ça pourrait se passer d'une manière bien plus douce. Et... On est obligé d'enseigner à des adolescents que c'est normal d'être agressif, lent, violeur pour faire de la cuisine. Voilà, et le problème, c'est que je pense qu'au niveau des... Enfin, je digresse aussi un peu là, mais il y a un vrai travail à faire au niveau des écoles de cuisine, quoi. Dans l'enseignement qui est donné, en fait, de ce que c'est que la cuisine. Et il va falloir, en fait, arrêter de valoriser un peu cette image-là. Parce qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'autorité qui règne dans une cuisine, c'est quand même un peu cool. Et il y a un espèce quand même de kiff, je trouve, à dire chef, oui, chef. Et moi, je me souviens, ça m'avait... Les premières expériences que j'ai eues en cuisine quand j'étais ado, pour le coup, le chef cuisine dans cette brasserie où j'avais travaillé, c'était un mec super, quoi. C'était vraiment quelqu'un de génial et il en avait rien à foutre de son statut de chef, quoi. Et il supportait pas que les gens l'appellent chef, ça le faisait chier. Il était là, mais chef, chef, oui, c'est bon, dans un 3 macarons Michelin, détendez-vous, quoi. Après, il faisait très bien son travail, c'était un excellent cuisinier, tu vois. Mais en fait, il était hyper humble. Et par contre, la brigade, entre guillemets, derrière, mais prenait son pied, en fait, à cultiver cette autorité-là. Et moi, je me souviens, moi, du coup, voilà, je disais chef comme tout le monde, quoi, mais j'étais un peu étonnée parce que je disais, mais en fait, la personne qu'on appelle chef ne veut pas qu'on l'appelle chef. Enfin, ça n'a aucun sens, mais cette histoire. Pourtant, ouais, j'ai vraiment vu, c'est un petite photographie d'un endroit qui montrait bien, en fait, ce gros kiff du paternalisme, en fait. Et... Très masculin comme équipe. Oh, ouais, j'étais la seule fille en cuisine. Et c'était que l'été, hein. Il y a un moment, je crois qu'on a été deux. Ça n'a pas duré longtemps. Et t'as bossé beaucoup avec des hommes, un peu. Enfin, t'as vu des différences d'ambiance au sein des équipes? Oui, dans les équipes où il y a des femmes, il y a moins de sexisme. En fait, de base, de domination, en fait, de rapport de domination. Parce que oui, la première expérience où j'avais bossé, enfin voilà, que ce soit de la salle ou de la cuisine, tu te prends des remarques à la con, on t'enferme dans la chambre froide pour voir si t'étais ton pointe à la sortie, alors que en fait, t'as une veste de cuisine et un tablier à bavette, etc. Donc, mais outre des jeux sexistes à la con qui moi finalement m'ont jamais atteinte vraiment. Enfin, j'étais estomaquée de voir ce qui se passait. Parce que, en plus, ce truc pas forcément cool. J'étais. I don't care, quoi. Genre, enfin, ça m'a pas blessée, quoi. Mais par contre, là où j'étais assez déçue. Et qui m'a un peu fait prendre peur par rapport à ce métier-là aussi, c'était la culture de la domination, en fait, en général. Parce qu'en fait, que ce soit une femme, que tu sois une personne qui vient d'un autre pays ou quoi, en tout cas en France, beaucoup de racisme. Et puis, en fait, de toute façon, à partir du moment où tu es considérée comme étant plus faible, et ben en fait, on t'oppresse, quoi. Et il y a un truc vraiment comme ça dans le milieu de la cuisine, alors qui tend à s'estomper et qui n'existe pas dans plein d'endroits, fort heureusement. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai quand même vu aussi et que je trouve que... En fait, il faut en parler maintenant parce que les pratiques évoluent. Il y a plein de gens qui font des choses super et il y a plein d'endroits du super gros palace à la petite cantine de quartier comme ici, par exemple, où les choses sont bien faites et où on respecte les personnes et où on respecte le droit du travail. Et voilà, c'est très bien. Mais il y a quand même encore une vieille garde qui va pas mourir tout de suite et il faut en parler, il faut pointer du doigt ces pratiques là parce qu'en fait elles font encore beaucoup de mal. Là on essaie de faire évoluer je pense la cuisine compte tenu des circonstances écologiques et environnementales qu'on vit aujourd'hui. Il y a des grosses prises de conscience sur l'alimentation durable, sur des cercles vertueux au niveau de la production, de l'éducation au goût et tout. Il y a plein de choses super qui se font, sauf que si derrière on traite mal les humains, c'est comme récemment le scandale qu'il y a eu en Italie avec comment il s'appelle là, le mec, un gros de l'agriculture bio dont la fille fait du vin nature, Valentina. Son vin est bon en plus. Ton père, c'est un des pionniers de l'agriculture bio en Italie, et donc l'agriculture bio italienne qui est tu es censée plutôt être vertueuse à la base par rapport à l'espagnol. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est de l'esclavagisme moderne depuis des années dans plein de zones de production. Et en fait, bah voilà, la cuisine, c'est pareil. C'est que, en plus, on est assez dur en général quand on va au restaurant sur ce qu'on a dans son assiette, parce que je pense que comme on paye, on veut quelque chose de parfait et tout ça. Et en fait, souvent, on ne considère pas le travail qu'il y a derrière, les circonstances dans lesquelles le plat en fait, a pu être produit. Parce que souvent, on a des beaux produits et tout dans l'assiette. Mais comment ça a été préparé? Dans quelles conditions était la personne? À quelle heure il est arrivé ce matin et à quelle heure il est parti hier? Depuis combien de temps il n'a pas eu deux jours de congé consécutif? Quand étaient ses derniers congés payés? C'est con, mais je pense que les gens ne pensent pas à ça quand ils vont manger quelque part. Et c'est dommage parce que, en fait, on n'autoriserait pas ça pour plein d'autres métiers. Pour la cuisine, finalement, on ne se pose pas la question. Et c'est pas juste. Ou alors, on se la pose vite fait, mais vu que ça a l'image de « Ah, c'est un métier dur ». C'est le piège du métier passion. C'est l'arnaque du siècle, ce truc, quoi. Métier passion. Cheval passion, vous voulez quoi? Passion chocolat c'est... Non, non, métier passion, c'est juste un beau mot-valise pour mettre derrière, dedans, des horaires de travail complètement délirants. Oui, non, parce que c'est ça, les salaires derrière. Fin... Généralement, métier passion égale pas d'argent. Ouais, c'est juste inadmissible, en fait. De continuer d'utiliser. Enfin, moi, je sais que quand on me dit métier passion, j'ai envie de donner une baffe, quoi. Moi, je cuisine chez moi énormément, j'adore ça. Enfin, voilà. Mais en fait, je le ferais bien juste chez moi, en fait, s'il fallait pas gagner d'argent. c'est que, en fait, si je cuisine pas, je pète un plomb, ça c'est clair. Je suis obligée de cuisiner, c'est sûr, dans ma vie. Mais en fait, si je le fais pour 3, ça me suffit, quoi. Enfin, j'ai pas besoin de le faire pour nécessairement 60, quoi. Bah non, mais en général, c'est toute la culture du travail. De... C'est un travail que t'aimes vraiment, faut pas que tu te plaignes trop. Si en plus c'est un travail qui a vraiment une image de cool mais compliqué, fatigant, alors là t'as encore moins de raisons de te plaindre puisque t'as signé pour. Ouais, c'est ça. Au final. Ah, non. Mais c'est ça. Ça voudrait dire que parce que tu as décidé de t'engager dans cette voie-là, tu cautionnes toutes les pratiques qui l'environnent. Il faut que t'encaisses tout. C'est ouais, surtout ça, quoi. Et non, il ne faut pas tout encaisser. Au contraire, parce qu'on aime ce métier-là et parce qu'on aime la bouffe, qu'on aime manger, qu'on aime la nature aussi. Enfin, moi, j'aime la cuisine parce que j'aime la nature, en fait, à la base aussi. Il faut aimer le vivant. C'est clair. Par contre, j'aime pas les incivilités, j'aime pas le fait qu'on ne respecte pas le code du travail, voilà, ces choses-là, je les aime pas. Et c'est pas parce que, à la base, j'ai décidé que j'allais devenir cuisinière que j'ai décidé aussi que j'allais accepter tout le package qui allait avec, quoi. Et c'est difficile, je trouve, de faire son chemin là-dedans parce que, des fois, on se ferme des portes aussi. En fait, parce qu'on décide, non, en fait, moi, je vais pas aller dans ces endroits-là parce que je sais que je risque de me confronter à, on revient sur la question des limites, à mes limites. Et en bien, en mal, voilà, on se ferme des portes aussi, je pense, en termes de carrière, un sens et de compétences, de savoir-faire, des techniques, etc. Mais en même temps, à quel prix, quoi? C'est toujours des choix un peu cornéliens. Moi, je me les suis posés plusieurs fois et puis finalement, je me suis dit, c'est un peu bébête, mais j'aime plutôt écoute ton cœur, quoi, parce que en fait, je vais pas être honnête avec moi-même. Et... Ouais, puis après quelques années, après avoir travaillé dans des conditions qui n'étaient pas forcément top et avoir laissé passer des trucs qui sont clairement pas acceptables, il arrive un moment où non. Ouais, ça, en fait, au bout d'un moment, moi je sais que je pense que ça a été parce que ça n'a pas duré non plus des décennies, quoi, ces expériences-là. Et puis c'était aussi des expériences qui étaient toujours quand même positives, même s'il y avait des circonstances de travail qui pouvaient être difficiles. Comme pour plein de monde dans la restauration. En fait, il y avait aussi beaucoup de choses très positives qui s'y passaient. Et du coup, ça faisait une bonne balance. Mais je pense qu'en fait, si on reste trop longtemps dans ces modèles de travail et d'emploi-là, on s'abîme. Et puis, on s'abîme physiquement, en fait, parce que le corps, il souffre, en fait. Puis, on n'a pas le temps d'aller à la piscine, quoi. Donc... La piscine, il faut avoir l'énergie. Voilà, non, mais c'est ça, quoi. C'est-à-dire que... Avant la piscine, il faut commencer par dormir. Et donc, la question de la limite, elle revient toujours dans... là-dessus, quoi. Et c'est ce qui t'a orienté, pour, par exemple, pour postuler au Café Albertine dans mon ancien travail, j'étais pas loin de dépasser mes limites, en fait. Alors que j'étais dans une entreprise qui, pour le coup, collait vachement à mes valeurs et tout ça. L'environnement travail dans lequel j'étais était vraiment dur, m'en a demandé beaucoup à des endroits que j'avais pas soupçonné, en fait. Et à la base, et je pense que j'étais du coup en fait pas à ma place non plus dans ce job-là. Bah là, moi, je me sentais plus capable. Je me sentais un peu en danger, en fait, émotionnel, oui, physique. Je sentais sur qu'en fait vraie bonne limite. Ouais, je sentais que j'arrivais à être vraiment une grosse limite. Je traversais aussi une période où je me posais beaucoup de questions au niveau du travail. Qu'est-ce que je voulais mettre dans le travail et en fait, ces limites-là, c'était pas imposé avant parce que j'avais pas autant réfléchi à ça, je pense. Et du coup, le fait d'avoir conscientisé toutes ces questions-là, je me suis un peu pris mon travail dans la tronche en me disant « Ah oui, mais non, en fait, je ne suis pas du tout à ma place là et ça ne va pas, enfin, à mon équilibre personnel, ça ne me convient pas, ça ne veut pas dire que l'endroit est mauvais en lui-même. » Et du coup, je me suis cassée et par contre, j'ai assez rapidement pu mettre des mots sur ce dont j'avais besoin. Donc ça, c'était une chance. Enfin, j'aurais pu me dire « Non, j'arrête, c'est trop dur ou quoi. » Et du coup, non, en fait, j'étais là « Non, en fait, j'ai besoin d'un endroit plus doux en ce moment, j'ai besoin d'un endroit qui me laisse plus d'espace dans ma vie. » Voilà. Et puis bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, on cherchait quelqu'un qui a fait Albertine. Je me suis dit, bon, bah écoute, tentons. Quel poste juste pour les. Fais toute la cuisine et je fais de la pâtisserie aussi. Par ailleurs, je reste encore là quelques mois, mais j'ai un autre projet. Ah. Donc voilà, c'est pareil. Là, j'arrive aussi à un moment où je suis bien là, mais je vois que j'arrive à une nouvelle étape. J'ai besoin, en fait, d'avoir une activité quotidienne qui soit en accord avec mon moi. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais voilà, on est tous à des différents niveaux de réflexion et de conscience des choses, qu'on grandit, qu'on avance en âge, etc. Et je pense que voilà, moi, c'est vraiment lié à ces moments de vie là, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai changé de boulot, c'était lié à un changement dans ma vie aussi perso, et que pour que ça s'équilibre, moi, j'ai besoin que tout ça suive, quoi. Je ne peux pas changer plein de choses dans ma vie perso et rester exactement pareil au niveau pro. J'ai besoin qu'il y ait quelque chose d'assez global. Enfin, j'envisage les choses de manière assez holistique, en fait. Et du coup, pour moi, c'est un peu un tout. C'est-à-dire que j'ai besoin que ce soit en accord. J'aurais fait 3 ans ici à peu près et quand je partirai, et voilà, ce sera... Après l'étape 30 ans bébé, tu passes à la prochaine étape qui sera... Voilà, on garde le suspense pour le moment. Oh il n'y a aucun secret, hein. C'est on travaille sur un projet d'ouverture avec du coup mon mari et c'était ça. et qui lui aussi arrive à un moment où voilà, il a besoin de changement dans sa vie et dans sa carrière, et que nous on fait de la bière depuis maintenant plusieurs années, et donc on a un projet de micro-brasserie brewpub, et en fait qui aboutit un peu notre pratique personnelle et professionnelle des années précédentes. On va faire de la bière, on va faire de la bouffe, on va essayer de travailler sur un lieu de vie avec des événements autour de l'alimentation durable, autour de culture aussi. Bon voilà, on va en fait, je pense, faire un peu un melting pot de ce qui nous a animé. Voilà, mais bon, pour l'instant, j'en parle là parce que bon, ça fait suite à ce qu'on se dit, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait du tout, quoi. On est aux étapes basiques de travail sur comment on lance une entreprise, comment ça se passe. Mais par contre, on brasse depuis plusieurs années, mais on brasse chez nous. Hein, quel genre de bière? Après, nous, on est beaucoup sur des bières anglo-saxonnes qu'on boit pas mal, hein, maintenant. Les pale ale, les IPA, les NAIPA, on est beaucoup sur ce genre de bière. Moi, j'ai une grande passion pour la bière brune aussi. Donc, les stouts, les porteurs, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé. Vraiment. L'hiver, je bois beaucoup, beaucoup de bière brune. C'est vraiment mon truc. J'adore ça, quoi. Culturellement, ici, on en boit peut-être un peu moins qu'en Angleterre ou en Irlande et tout. Mais je trouve ça dommage parce qu'en fait, c'est des bières qui sont super intéressantes aussi gustativement. Pour l'instant, on n'en a pas encore brassé, mais on va en brasser cet hiver. Parce que moi, ça me tient à cœur de tester. Mais ouais, j'aime beaucoup ça. Pour le Refugee Food Festival, raconte, quel a été le déclic? Eh bien, pour le RFF... Parce que ça existe depuis... Alors, 2016, ça a commencé à Paris avec donc Marine et Louis qui donc sont le couple fondateur du festival et de l'association Food Sweet Food, qui est l'association mère qui porte le festival aussi et d'autres actions à l'année. Et eux, ils sont rentrés d'un grand voyage avec pour fil conducteur la cuisine. Ils avaient réalisé un livre et un peu de docu autour de ça. Et puis, ils sont revenus. C'était le moment du début un peu de la crise migratoire, etc. Et ils ont voulu faire quelque chose. Et bah, assez rapidement, l'idée de créer ce festival leur est venue. Donc ça a démarré à Paris. Et puis en fait, ça a pris rapidement dans d'autres villes en France et ailleurs dans le monde, en Europe et à l'international. Et donc, nous, avec Hélène, à Rennes, en fait, on était amies. Et puis, chacune dans notre coin, on était un peu là, bon... on est révoltés, on a beaucoup de colère. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On était à un moment où on avait vraiment envie de pouvoir faire quelque chose de concret et de positif. Créer quelque chose et de faire quelque chose qui profite aux gens. On a entendu parler du Refugee Food Festival à la radio, un petit peu sur les réseaux sociaux. Puis bah, Hélène, elle est graphiste, mais elle est aussi passionnée par la bouffe, en fait. On aime beaucoup manger toutes les deux ensemble, etc. Et bon, bah voilà, on s'est venu naturellement dans une conversation. Mais ce on ne pourrait pas essayer d'organiser ce festival à Rennes parce qu'en fait, il y a une scène culinaire assez active. Il pourrait y avoir des gens potentiellement intéressés pour participer. On ne connaissait pas bien encore à ce moment-là le côté social, la partie sociale à Rennes. Mais bon, on s'est dit qu'il y aura forcément des personnes pour lesquelles ça pourrait être bénéfique. On savait qu'il y avait des centres d'accueil, qu'il y avait Utopia 56, enfin voilà, des associations comme ça. Donc, du coup, on a postulé comme candidate pour porter le projet à Rennes et du coup, ça l'a fait. Et on a organisé la première édition en juin dernier. Et ça a été à la fois un moment de grande découverte parce que finalement, on est bénévoles sur le projet, mais on est très en lien avec des professionnels. Donc la partie cuisine, on va dire que c'est peut-être un peu plus simple parce que c'est des domaines qu'on connaît plus. Et du coup, la partie sociale, pour nous, ça a vraiment été la découverte, comprendre comment ça fonctionnait, tous les mécanismes administratifs, etc. Là, cette année, on comprend mieux comment ça fonctionne et c'est plus simple. L'édition d'octobre va être réduite. On va être sur 3 journées et puis pas 5. Enfin, ce qui est déjà bien. Oui, c'est déjà super de pouvoir faire quelque chose. Et puis en plus, on est sur. On va être sur des collaborations, je pense, assez intéressantes. On va pouvoir aussi inclure des lieux ou des assos qui œuvrent énormément au quotidien. Donc ça va aussi les mettre en lumière. Donc je pense que c'est bien. Et puis je pense que le Refugee Food Festival, oui, en fait, c'est un moment, un festival dans l'année. Mais en fait, derrière cet événement-là, il y a un travail en sous-marin tout à l'année qui se fait. Il y a notamment un programme de formation en cuisine pour les publics réfugiés qui est mis en place, qui s'appelle le programme Sésame, qui a démarré à Paris et dans d'autres villes de France, dont Rennes, qui est soutenu en fait par le RFF aussi, quoi. Et donc c'est vraiment aujourd'hui, je pense, alors les organismes sociaux font un travail énorme et du coup le RFF arrive en support là-dessus et permet, je pense, d'apporter du lien aussi. Moi, ce que je trouve intéressant, par exemple, moi en tant que cuisinière, par rapport aux personnes qu'on peut rencontrer, aux profils, etc., du coup, je vais avoir un peu un regard de terrain sur les situations, les profils, et ça permet d'avoir un peu plus de concret, je pense, quand il faut proposer un peu des orientations, etc. Bien sûr, après, ça reste entre les mains des personnes, des professionnels là-dessus, quoi. Mais ça permet d'apporter peut-être un peu plus de recul et d'ouverture sur les possibilités pour les personnes, quoi. Et ça, c'est intéressant. Après, il y a le programme de formation. Et puis, à Paris, il y a eu énormément de suivi des chefs aussi. Il y a la résidence à Grand Control qui accueille tous les 6 mois des chefs réfugiés en résidence. Il y a vraiment des personnes qui ont monté des restaurants incroyables après avoir participé notamment à la résidence. Ça génère vraiment du positif, quoi. Après, on promet rien avec le festival, mais en tout cas, ça peut être une belle mise en selle, on va dire. Et l'édition de l'année dernière, ça avait bien marché ? Ça avait très bien marché, ça avait été très bien accueilli. Beaucoup de personnes réfugiées syriennes, en fait, à Rennes. Syriens et afghans. Ouais, voilà. Ouais. Et on avait aussi une personne népalaise. Après, les gens étaient hyper réceptifs et hyper solidaires. Je pense qu'à Rennes, on est aussi dans une ville avec plutôt un bon fond là-dessus, quand même. On peut en dire ce qu'on veut, mais bon, il y a quand même une fibre sociale exactement, quand même développée, une ouverture. Il y a quand même pas beaucoup d'associations qui œuvrent au quotidien à Rennes, tous pour la Syrie, Utopia, Dida. Enfin, il y a vraiment énormément d'assos qui bossent beaucoup, quoi. Enfin voilà, il y a eu à la fois un très bon accueil de la part de ces structures-là et le public en général. Dans les restos, les gens étaient super contents. Je pense que la sensibilisation, elle fonctionne bien grâce à la cuisine aussi, parce qu'en fait, on a les personnes en face de soi, on a l'assiette, on goûte. En fait, il y a un lien qui se crée. Les réfugiés redeviennent des personnes à part entière. Oui, parce que ça devient très abstrait, très impersonnel. C'est une foule de gens qui viennent. Ouais. Pas comme s'il y avait eu en plus une montée de discours racistes autour Exactement. De ça. Le Refugee Food Festival, alors, il y a plusieurs axes et plusieurs volontés. Il y a la valorisation des compétences, l'insertion professionnelle des personnes réfugiées, le patrimoine culinaire, les savoir-faire, et puis la revalorisation des personnes en tant que telles. Donc là, ça passe par la cuisine, mais parce qu'aussi la cuisine a cette vocation à vraiment à rassembler en fait, les gens, puis à remettre un peu les choses au clair. Enfin, voilà, c'est un bagage que tu emportes avec toi. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'immigrés qui ont ouvert des restaurants, des choses comme ça, qui n'étaient pas forcément cuistots à la base. Il y a eu tout beaucoup ça, notamment avec l'immigration asiatique et chinoise, notamment. Et c'est parce que même si tu ne parles pas la langue et que tu ne peux pas t'insérer dans tel ou tel emploi salarié, tu peux faire à manger avec les choses que tu connais. Ça, c'est clair que la cuisine, ça permet de s'exprimer, en fait. Ça permet de s'exprimer, ça permet de montrer quelque chose de soi-même. Et là, en l'occurrence, pour les personnes qui participent au Refugee Food Festival, c'est une manière de rencontrer aussi et d'aller vers ce qui se passe aussi à l'intérieur d'une cuisine en France. C'est l'occasion pour elles de soit découvrir la cuisine professionnelle, parce que souvent, c'est des gens qui ne sont pas forcément cuisiniers professionnels. C'est la question que j'allais te poser. Il y a plein de gens, en fait, et c'est ça qui est assez intéressant, qui n'étaient pas du tout professionnels à la base, mais par contre passionnés, quoi. Passionnés de cuisine, mais dont ce n'était pas le métier. Et en fait, ils ont, je pense, en arrivant dans un nouveau pays, en fait, recréé quelque chose, créé une nouvelle vie. Il y a tout à reconstruire, en fait. Donc, la cuisine, en fait, souvent, c'est aussi quelque chose qui va rassurer, qui permet de se rappeler un peu aussi ce qui était bon chez soi. C'est quelque chose de très intime, en fait, et ça permet de se souvenir aussi de qui on était, quelque part, même si ce n'était pas son métier ou quoi, c'est des souvenirs très forts, quoi. Et donc, je pense qu'il y a aussi des gens qui classiquement ont suivi des parcours un peu tracés pour eux dans leur pays d'origine et qui en fait en arrivant en France malgré tout en fait vont réussir à voir le bon côté et à s'épanouir et à faire de leur passion leur métier ou si on prend l'exemple de Nabil Attar qui était arrivé au Refugee Food Festival qui était dentiste et là il a ouvert son resto à Orléans il est en lien avec le Collège culinaire de France, enfin c'est un truc de fou quoi. Il aurait pu ouvrir un cabinet. Voilà, dentiste. Il aurait pu. Donc la cuisine est parfois un levier professionnel qui peut permettre de trouver du travail rapidement et en même temps de trouver quelque chose d'intéressant quoi. Peut-être que le choc de l'exil aussi pousse peut-être à pas forcément reprendre sa vie d'avant et se dire je pense qu'il y a peut-être obligé de bouger autant refaire table rase. Il y a de ça aussi puis parce que tu laisses ta vie derrière. Il peut aussi y avoir des personnes qui ne travaillaient pas dans leur pays d'origine, notamment des femmes et qui là vont se professionnaliser et souvent en fait les femmes savent cuisiner. Ah bah oui. Et ça peut aller un peu de soi, quoi, d'aller vers la cuisine, quoi. Dans ces cas-là, c'est vraiment bien parce que souvent, il y a des savoir-faire incroyables, en plus des vies, quoi, entières, des transmissions de génération en génération. C'est assez beau. Enfin, je me souviens l'an dernier d'une personne qui avait participé au festival. Elle avait vraiment des gestes hyper précis, et c'était hyper beau, en fait, de l'avoir pratiqué, en fait, dans un milieu professionnel. Des choses qu'elle avait toujours pratiquées chez elle et qu'elle m'avait raconté qu'on lui avait apprises, etc. Et c'était hyper beau en fait de l'avoir le transmettre à nouveau. C'est beau en fait. Sinon, je voulais parler de l'aspect bouffe et féminisme parce que tu vas intervenir dans le cadre du festival Dangereuse Lectrice pour parler de ça. Donc, j'avais vu ça l'année dernière dans le bouquin de Véran Frediani et Sterelle Payani, Chef, qui était sorti aux éditions Nourriture Plus début de l'année dernière que j'ai lu. Avant sa sortie, que vous y étiez, comment ça s'est passé du coup ? Qui vous ont contacté ? Vous avez fait un appel avant ? Alors en fait, nous, ça a été une grosse surprise. Je crois qu'il y a eu un contact de prix auprès de Solène, qui est donc la gérante du Café Albertine. En fait, nous, en cuisine, on n'était pas au courant en fait quand on serait dedans. Je sais plus. Enfin, je crois que c'est des copines en fait qui nous ont dit, mais vous êtes dedans. Et du coup, on était là, on était hyper touchées en fait, hyper heureuses quoi. Et par contre, c'était une grande surprise quoi. Je savais pas. Après, je sais pas comment ça s'est passé ailleurs, mais nous, on n'était pas du tout au courant qu'on serait dedans. Et ça a changé quelque chose ? Vous avez eu des retours vis-à-vis de ça ou Je ne sais pas si ça a vraiment changé quelque chose pour nous. Je pense qu'après, nous, la cuisine, elle a évolué. En fait, au cours des dernières années, la chef qui était là avant moi, moi après, je suis arrivée en cuisine. Ben, chacune a apporté sa touche, ouais. Et puis, on respecte l'identité du café, c'est-à-dire que, ben voilà, il y a un certain type de cuisine. On est sur une bonne cantine de quartier, tout est frais et tout. Après, on reste sur des choses, voilà, quand même assez, alors pas simple parce qu'en fait, on se donne quand même du mal, même si on s'en rend pas compte. Mais en tout cas, voilà, on est sur quelque chose d'assez accessible. Des tartes, des gâteaux, beaucoup de gâteaux. Après, on fait des salades bowl, mais avec des trucs très cuisinés. En fait, tout est très cuisiné. Un sandwich avec du poulet. Sinon, tout est végétarien. Ça, c'est depuis que je suis là. Avant, il y avait encore des propositions carnées au niveau des plats. J'ai une sensibilité végétarienne assez forte. Après, je mange de temps à autre un peu de viande ou un peu de poisson. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup moi, la cuisine végétarienne. En fait, c'est ce que je préfère faire. Mais c'est aussi quelque chose qui m'intéresse en termes de durabilité de l'alimentation et surtout d'accessible. Enfin, moi, j'aime bien que la nourriture... dans la nourriture, c'est intéressant de pouvoir nourrir les gens, en fait. Et que nourrir un maximum. Et un maximum de personnes en pouvant proposer... une très bonne qualité à tout le monde. Et en fait, pour moi, la bonne viande et le bon poisson, ça existe. Mais ça a un coût, en fait, qui est tout à fait justifié, mais que tout le monde ne peut pas s'offrir, malheureusement. J'ai vraiment un truc par rapport à ça, c'est que je trouve que notamment la street food, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de proposer une alimentation nourrissante, nourricière, de bonne qualité, intéressante gustativement, dynamique, à des prix accessibles en fait. Et moi, je sais que ça m'intéresse vachement, notamment tout ce qui est un peu éthique et durable en ce moment, la mode aussi et tout. Il y a quelque chose de l'ordre du privilège, en fait, de pouvoir avoir accès à ça. Et moi, ça me gêne vachement. J'aimerais que... c'est tout à fait utopiste et tout, mais... Moi, j'ai le souhait de pouvoir, en tout cas, le proposer au plus grand nombre, mais tout en ne bâclant rien et en proposant des choses durables, éthiques, hors de question d'acheter des produits de mauvaise qualité. Enfin, voilà, ça, c'est pas possible. Et malheureusement, les gens y ont déjà bien assez accès comme ouais, ça. Exactement. Et en plus, oui, le fait d'avoir une offre très végétarienne, c'est beaucoup plus inclusif parce que tout le monde ne mange pas de viande. En plus, ouais. Puis le fait, en fait, de ne pas cuisiner de viande, c'est un raisonnement tout à fait terre à terre, c'est un coût matière en moins en fait. Et donc ça permet d'avoir plus de sous, proposer d'autres choses et avoir par exemple de super bonnes épices. Nous on prend des épices, notre fournisseur s'appelle Nomi et c'est vraiment super cool. C'est des choses qui sont peut-être un peu plus chères, mais du coup on va réussir à s'équilibrer parce que y a des coûts matières qu'on aura en moins ailleurs. Et voilà, et je trouve qu'en fait c'est aussi intéressant. Enfin, moi j'aime bien les contraintes en général de créer. Dans la cuisine et tout, je trouve que c'est intéressant, ça fait réfléchir et d'avoir ces limites-là, ce cadre-là, et de vouloir aussi proposer quelque chose de quotidien. Parce que moi, ce travail ici, pour moi, c'est vraiment de nourrir les gens. Je vois les mêmes têtes tous les jours. Les gens qui viennent manger là, je me dis, il faut que je fasse attention à ce que je mets dans les assiettes parce qu'en fait, ils le mangent tous les jours, ça. Donc, c'est le côté cantine, là. Voilà, mais du coup, c'est super parce que tu as envie de faire quelque chose qui soit bon, qui soit nourrissant, qui soit équilibré, etc. Mais qui soit aussi un peu... confortant. Ouais, dynamique, étonnant, curieux, passe découvrir des choses, voilà. Je pense qu'on arrive un peu à cet équilibre-là ici, et ça, c'est chouette. Et après, par rapport au... Enfin, j'ai complètement digressé par rapport à la question du féminisme, mais... Alors après, nous, au Café Albertine, oui, je pense qu'on est tout ouvertement féministes. Il n'y a pas trop de questions là-dessus. Alors, par pur hasard, par contre, on est une équipe exclusivement féminine. Il y a déjà eu deux garçons, je crois, à travailler, mais... Pas en même temps. Non, voilà. Mais c'est vrai que, on est un lieu où il y a beaucoup de femmes, que ce soit dans l'équipe ou dans la clientèle. Je pense que c'est un endroit qui est assez identifié comme une safe place aussi, et comme un endroit reposant. Il y a beaucoup de choses, je pense, qui vont vers tout ça. Et après, je pense que nous aussi, on est aussi très sensibles à ces questions-là. Oui, on est clairement, pour une partie très radicale dans nos opinions là-dessus. Il n'y a jamais assez de radicalité. Voilà, et on s'entend bien là-dessus aussi. Donc ça crée aussi, je pense, une dynamique particulière au lieu, ça c'est sûr. Mais je pense que de toute façon, voilà, le féminisme tel qu'il est aujourd'hui, moi tel que je l'entends et que je le comprends, c'est un féminisme qui est intersectionnel et inclusif. La lutte féministe, c'est pour moi la lutte contre les formes de domination. Aujourd'hui, c'est comme ça que j'entends le féminisme en fait, et comme ça que je le vis. C'est-à-dire que pour moi, être féministe aujourd'hui, c'est se battre contre les oppressions, enfin se battre en tout cas, être contre toutes les formes d'oppression, que ce soit le sexisme, que ce soit le racisme, que ce soit le eugénisme, le validisme. En tout cas, tout ça, c'est plus acceptable. Et si on veut des pratiques plus saines dans tous les domaines confondus, ça passe par là. Je trouve que en fait, le féminisme aujourd'hui, il est rattaché... Moi, dans ma vie, il va être attaché évidemment à la cuisine, parce qu'en fait, derrière la cuisine, il y a tout un système qui pend, quoi. Et donc voilà, il y a ça. Ces fameux grands chefs qui sont tous des mecs blancs, qui sont probablement tous hétéros, qui font « Ah, mon grand modèle dans ma vie, c'était ma mère et ma grand-mère. » Mais par contre, jamais de la vie, j'irai travailler sous les ordres d'une femme. Et un vrai chef professionnel, c'est un homme. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y en a encore plein qui le disent, ça. Enfin, heureusement, aujourd'hui, il y a tout un tas de chefs hommes déjà qui sont pas comme ça, heureusement, et puis aussi beaucoup de femmes qui il y en a au moins 500 en France, voilà, déjà hein. et un peu plus chaque jour, mais non, mais voilà, je vois-t-il que évidemment que ça évolue, mais voilà, on en revient toujours à cette vieille garde qui a besoin de voilà, faut les piquer avec un bâton tous les jours pour qu'un jour ils s'en aillent. Du coup là, on est vraiment voilà, la lutte féministe, les valeurs du féminisme telles qu'on là où on en est aujourd'hui, et en fait il va lutter en fait pour ces personnes-là et contre ces formes d'oppression. Et je trouve que pour moi aujourd'hui c'est un peu la lutte des luttes en fait, parce que c'est elle qui va permettre d'aller se battre et d'aller chercher quelque chose de plus sain en fait en général dans la société, quoi. Parce qu'en fait en tirant sur un fil, et on va chercher tout le reste avec, quoi. Parce que si tu te bats que pour les femmes qui te ressemblent, en fait, tu en tant que femme blanche, tu toi-même tu opprimes, quoi. En fait on défend pas grand monde à l'échelle c'est de ça, la planète. C'est ça, c'est ça. Voilà, moi je trouve que aujourd'hui, on a la possibilité avec cette nouvelle vague féministe de vraiment aller au cœur du système d'oppression et de domination qui est horrible. Et pour le coup, je trouve dans la cuisine traditionnelle, etc., est assez flagrant en fait. C'est une bonne photographie de ce que ça peut être en général dans la société. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant en fait à observer. Dégueulasse, mais c'est très intéressant. Du rapport à la thune, genre les femmes cuisinent à la maison gratuitement, les hommes cuisinent au restaurant, c'est vrai, très rémunérés. Ouais. La cuisine dite exotique, tout le monde aime en manger. Par contre, est-ce que tout le monde aime voir un chef qui ne soit pas blanc, ni même français? Là, j'ai peut-être des doutes sur certains endroits. Est-ce que tu vas pas toujours mettre un mec noir à la plonge? Je sais que je fais de l'énorme cliché, mais ça existe beaucoup. Ça existe toujours, quoi. Ça existe toujours, et c'est pas du cliché, en fait, c'est juste la réalité. Ça fait mal de le dire, genre... Non, mais ça fait hyper mal de le dire, mais en vrai, c'est la réalité, quoi. Et à un moment, en fait, il faut le dire, on le cautionne pas, en fait, en le disant. On le dénonce en fait et on le pointe du doigt et on veut que ça évolue, quoi. Et en fait c'est important aujourd'hui de pas juste dire c'est super, l'alimentation évolue, les super produits, le respect des producteurs, enfin cette espèce d'image un peu finalement qui est accessible à une certaine classe. Ça donne bonne conscience. Et voilà, et c'est une bonne conscience de classe, mais qui ne s'adresse pas du tout à tout le monde et qui n'est pas du tout la réalité pour tout le monde non plus. Non. C'est complètement injuste de s'arrêter à ça, de se dire... Après, il faut le faire. Il faut continuer de cultiver tout ça et de continuer d'aller plus loin, et tout ce qui est pratique locavore, etc. Enfin, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, que je pratique le maximum. C'est vraiment, vraiment important. Mais c'est indispensable. C'est un maillon de la chaîne, mais c'est pas toute la chaîne. En fait, il faut juste accepter de ne pas s'arrêter à ça et de ne pas se dire « Ok, je fais ça, donc ça suffit ». En fait, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et après, on ne peut pas être de tous les combats, et on ne peut pas tout faire, ça c'est sûr. Mais il faut accepter de voir que les rapports de domination et d'oppression continuent d'exister, en fait. De pas juste s'arrêter au fait que oui, ça évolue et voilà, c'est bon, quoi. C'est fait. Évoluer, non. C'est pas fini. Voilà, c'est ça. C'est un processus. Mais il y a un côté un peu comme ça en ce moment, je trouve, où en fait, il y a vachement de belles valeurs et de choses très vertueuses qui sont amenées et qui sont mises en place. C'est super, enfin, genre, c'est trop bien. Mais du coup, on a un peu tendance à se dire, c'est bon, quoi. Et non, en fait, c'est pas bon. Il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire. Quoi. Mais oui, effectivement, la cuisine, c'est un bon terrain et d'études et de riposte. Exactement. Donc pour toi, la solution, ce serait vraiment déjà dès le début, dès la formation, arrêter avec la culture viriliste de la brigade, du bisutage. Je pense qu'il y aurait en fait un premier niveau éducatif, en fait, d'enseignement qui concerne à la fois l'alimentation et à la fois dans le renouveau un petit peu, d'actualiser un peu les bases aussi, quoi. Mais du coup, au niveau du savoir-être, en fait, il y a vraiment un travail d'éducation à faire. Il ne faut pas oublier aussi que pendant longtemps, la cuisine, ça a été la voie de garage dans laquelle on envoyait des personnes considérées être des personnes incapables et du coup, auxquelles on n'a pas porté de soins, en fait, et d'attention. Et en fait, on a un peu envoyé des gens qui étaient cassés et puis on ne s'en est pas occupé. Ça a fait des dégâts, ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un travail, de porter de l'attention au discours qui est véhiculé, d'accepter peut-être de faire entrer de nouvelles matières aussi dans l'éducation, dans les écoles de cuisine, de peut-être revoir les programmes d'histoire de la cuisine, tout ça. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là pour faire quelque chose. Je pense que c'est important de connaître l'histoire et les traditions, c'est même essentiel, mais peut-être que ce serait bien de revoir quelles traditions on présente. Tu vois, je pense qu'il y a vraiment un travail de reconstitution de l'histoire à faire, de réappropriation. Quand même une grosse tradition. Ah ouais. Mais peut-être dire qu'il n'y a pas eu que des chefs hommes. C'est ça. Il faut reconstituer un peu l'histoire et proposer un programme plus paritaire. Il faut proposer. Et puis il faut vraiment aussi enseigner, je pense, des bases de civisme et de savoir-être. C'est des choses qu'on enseigne en fait à d'autres endroits, dans des lycées, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas en cuisine? C'est quand même incroyable. Enfin, il y a une non-considération de l'humain alors que c'est un travail où il y a de l'humain à fond, quoi. Donc ça serait essentiel d'intégrer ça. Et puis après, je pense qu'il y a un gros truc à faire, c'est qu'il va vraiment falloir travailler sur une nouvelle convention collective, parce que c'est une catastrophe. Qu'aujourd'hui, moi je pense que s'il y avait une nouvelle convention collective, il y aurait aussi plus d'inclusivité et plus de choses qui permettraient plus d'égalité, en fait. Et puis enfin, je pense qu'il faut encourager, je pense, les syndicats, les chambres des métiers, etc., adopter un discours plus innovant et moins paternaliste et plus inclusif, en fait, dans le futur. Et je pense qu'il y a vraiment, au niveau des syndicats, des groupements interprofessionnels, un vrai travail de branche à faire, en fait. Enfin, ça, c'est du concret, etc. Et moi, j'avoue que ça m'intéresserait un peu de m'aventurer là-dedans un jour. C'est quoi l'état des lieux En fait, il y a des syndicats, il y a plusieurs syndicats dans l'hôtellerie-restauration. Et alors, il y a des groupes qui, je pense, travaillent bien, quoi. Mais il y a aussi, quand même, côté un peu tradi encore qui demeure, quoi. Ce problème de convention collective qui, pour moi, dans la restauration par exemple, n'a pas de jour enfant malade. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que t'as pas le droit d'avoir une vie privée. Voilà, par exemple, il y a ces choses là tu n'as pas surtout de jour quand t'es une femme. Ah oui, non, mais en fait, derrière, ça induit beaucoup de choses. La charge parentale, c'est surtout pour les femmes. Et il y a vraiment... De toute façon, il y a un travail énorme à faire sur le temps de travail, les conditions de travail. Et ça va démarrer dans les écoles de cuisine, mais aussi toutes les formations un peu managériales, entre guillemets, qu'il y a autour. Parce que, c'est des personnes... Ça va être le travail aussi de réfléchir sur ces pratiques-là, quoi. Et de les pratiquer au quotidien ensuite, quoi. Et je pense que ça, c'est un gros chantier. Ouais. Bah ouais, puis arrêter de laisser passer des choses qui sont jugées acceptables. Ouais. Genre rien que le... Oui, puis arrêter... Arrêter de considérer que c'est OK, en fait, et puis que c'est comme ça, quoi. Bah non. C'est pas OK que ce soit comme ça. Genre, le ciel arrêtera pas d'être bleu si on arrête de faire ça, tu sais. Tout se passera mieux, même. Ah ouais. Quand j'ai commencé la cuisine, je me souviendrai toujours le premier entretien pour l'apprentissage, là, avec le responsable de formation, qui était un super bonhomme d'ailleurs. Il m'a mis en garde. Il m'a dit, bon, je te préviens, ça va être dur, t'es une fille. Il me dit, je ne pense pas ça, mais c'est comme ça. Et donc déjà, ça te place dans une posture de, OK, il va falloir crocher dedans, quoi. On te met en frontal, on te place en... Après, moi, j'étais quelque part contente de recevoir cet avertissement-là, parce que au moins, j'étais consciente. Enfin, voilà, je savais qu'il y avait une forme de difficulté, en fait, qui se présentait à cet endroit-là. Et que c'était pas un mythe. Et que du coup, si je me faisais emmerder, c'était pas moi qui montais la tête. Enfin, bref, derrière, en fait, cette difficulté-là, ça m'a créé de la légitimité m'écouter dans mes propres difficultés et de me dire bah ok non en fait là c'est pas moi qui déconne, c'est eux. Enfin, du coup j'étais contente finalement qu'ils m'aient dit ça, même si derrière ça te conditionne toi à être en lutte de base quoi, pour ta place, pour ta légitimité, pour ton droit d'être là. Mais c'est un truc qui s'est apaisé ça avec le temps maintenant que t'as des expériences plus positives. Ouais, oui après on va pas dire que c'est apaisé en général. Enfin je me sens pas, j'ai pas de haine et j'ai une colère plutôt. Enfin, ça va, c'est bien géré. Ouais, en ce moment. Il y a eu des moments où c'était plus compliqué, mais en ce moment, je pense que je me sens plutôt apaisée et ça va, quoi. Mais après, là, je sens qu'en ce moment, ça sort beaucoup du côté de la cuisine, enfin, et, entre les comptes Instagram, les livres, les films et tout ça. Donc ça, c'est super. Moi, je pense que c'est le début. Ouais, mais je pense que c'est le début. Et du coup, je pense qu'en fait, il va falloir défendre son bout de gras là-dessus et rentrer en lutte, en fait. Parce que, en fait, jusque-là, on n'en parlait pas trop. Maintenant qu'on en parle, je pense que si on veut vraiment voir des résultats arriver et plus d'égalité et plus de justesse dans les pratiques dans le milieu de la cuisine, il va vraiment falloir s'accrocher, continuer soulever ces problématiques-là et pas juste s'arrêter pendant quelques mois là-dessus, mais vraiment mener une lutte de fond et un travail de fond. Il va falloir passer par les écoles de cuisine, etc., pouvoir déployer un peu ce message de manière plus générale. Et je pense que du coup, ça va demander d'avoir une colère génératrice, en fait, pour que les choses changent. Il y a des postes clés. Par exemple, avoir plus de femmes dans les formations. Tout à fait. Déjà font de la représentation pour montrer que c'est possible et insouffleront d'autres discours. Pareil dans les équipes, sur le terrain. Ça, il y a pas mal de chiffres qui prouvent que dès qu'on met plus de femmes, en particulier sur des postes à responsabilité, il y a pas mal de choses qui s'équilibrent. Et tout pareil, à fait. Pareil pour les personnes racisées, pour faire une appellation très globale. Ouais. Ça se passera comme ça aussi, mais ça ne se fait pas en quelques mois de balancer ton chef, ce qui est très exactement. Bien. Mais il faut que ça. En fait, il faut que là, moi, j'ai vraiment l'impression que depuis plusieurs mois maintenant, ça y est. Après, on va dire que la parole s'est commencée à se libérer, par exemple, dans les milieux du journalisme. Là, je sens, je vois que ça se libère au niveau de la cuisine, mais c'est pareil, il faut que ça. Il va falloir rentrer dans le dur et... Il faut se méfier du retour de bâton. C'est ça. Mais en fait, on sait que ça va arriver parce que il arrive toujours. Il arrive toujours. Et en fait, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas donner toute son énergie maintenant. Et vraiment, il va y avoir un travail de fond à faire. Et moi, je sais que j'aimerais bien, pouvoir m'investir là-dedans parce que moi-même, j'en ai souffert. Ou bien, tout simplement, je trouve que c'est un milieu, en fait, qui peut être trop génial. Et c'est des expériences qui peuvent être vraiment exceptionnelles. Enfin, c'est un métier qui est hyper kiffant et tout ça. Et aujourd'hui, il mérite aussi en fait d'évoluer et les pratiques, elles méritent d'être actualisées et plus justes et plus saines, quoi. Et moi, c'est vrai que, j'aimerais vraiment pouvoir un peu travailler là-dessus dans les années à venir. Je sais pas de quelle manière. Peut-être que ce sera juste en montant mon truc et en travaillant correctement. Déjà, ce sera bien. Mais je pense que c'est aussi les chefs femmes, mine de rien. Toutes les cuisinières, toutes les chefs qui vont faire bouger les choses, en fait. Parce que dans leur cuisine, elles vont bosser correctement, elles vont bien traiter les gens. La restauration, c'est un milieu qui bouge beaucoup. Il y a pas mal de turnover. Et du coup, les bonnes pratiques... le bon côté de ça, c'est qu'en fait, s'il y a des bonnes pratiques qui s'instaurent dans plein de cuisines, peut-être que du coup, il y aura moins de turnover parce que les gens voudront rester. Mais il y a toujours, je pense, une envie d'aller voir un peu différents types de cuisine et tout ça. Il y a quand même des équipes qui vont bouger, etc. Donc, ça va être une manière de faire une belle traînée de poudre et de bonnes pratiques pour les essaimer dans différentes cuisines. De voir que nous, on faisait comme ça. De nouvelles manières de faire. Et je pense que ce côté de la restauration, c'est un milieu où les postes et les gens bougent quand même pas mal. Et que s'il y a pas mal de cuisine avec des femmes chefs, il y a des bonnes pratiques qui se mettent en place, et ça peut en fait prendre assez rapidement, je pense. Parce que tous les apprentis et tout qui vont passer par là, ils vont connaître ça. Ils sauront que ça existe. Et en fait, ils vont dire non, mais les conneries des autres, là, on va... forcément, ils vont pas en vouloir. Enfin, c'est sûr qu'ils voudraient de ça quand on propose autre chose, quoi. Il n'y aura pas de turnover causé par typiquement une femme qui part de cuisine en cuisine parce qu'elle en a marre de se faire maltraiter 9 fois sur 10. Typiquement. typiquement ce qu'on peut entendre dans l'épisode de Bouffon, voilà, c'est clair. Et ce qu'on entend dans, j'allais dire tous les métiers où il y a des gros problèmes de sexisme, en fait, il y en a partout, mais typiquement, les femmes bougent, parce que généralement, quand tu portes plainte pour harcèlement ou violence, c'est toi qui te fais virer, donc c'est toi qui pars. Ouais. Après, si c'est un métier où les gens bougent de cuisine en cuisine, je pense que ça restera, parce que ça se fait pour d'autres raisons, mais tu n'auras pas des personnes qui fuient. Oui, ce ne sera plus les mêmes motivations aussi, ouais. C'est clair. C'est clair. Ce sera chouette. Ouais. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez vous abonner au podcast pour suivre tous les épisodes passés et à venir sur votre application préférée et lui mettre plein d'étoiles et de gentils commentaires sur Apple Podcast. Vous pouvez me contacter sur Twitter @lucie_inland et Instagram @lucieinland en un mot, ainsi que Studio Dilettante sur Twitter @studilettante. Merci à eux pour leur soutien matériel, Adrien Bibard en particulier. À bientôt.